Un grand vautour doré les guidait comme un phare. Tant qu'ils étaient au fond de l'ombre, la fanfare, comme un aigle agitant ses bruyants ailerons, chantait, claire et joyeuse, au front des escadrons. Trompettes et tambours sonnaient, et des centaures frappaient des ronds de cuivre entre leurs mains sonores. Mais, dès qu'ils arrivaient devant le flamboiement, leurs clairons effarés se taisaient brusquement, tout ce bruit s'éteignait. Reculant en désordre, leurs chevaux se cabraient et cherchaient à les mordre, et la lance et l'épée échappaient à leurs poings. En voyant la lueur qu'ils ne comprenaient point, ils s'arrêtaient, courbant leurs faces étonnées. Ils avaient ce front bas des bêtes enchaînées, quand, le loup étant pris au piège et garrotté, l'air terrible fait place à l'air épouvanté. Ô spectacle, de voir la force au pied de l'être, de voir s'évanouir le gendarme et le reître, hommes, glaives, chevaux, clairons, férocité, tout ce sombre ouragan devant cette clarté.